yeux à peine maquillés. Elle sait bien mieux s'habiller que toute seule. Que l'on voit passer, qu'elle est belle. Je vais t'avouer aujourd'hui que j'ai décidé de faire ma vie avec elle, car c'est elle que j'aime.